celle-là, elle me suivait, yeah, yeah. Villa, Zeta, Moula, yeah, yeah. Tu es belle, mais cruelle, pourquoi, yeah, yeah. 4-5, j'ai là, elle suivait, yeah. Villa, celle-là, elle me suivait, yeah, yeah. Villa, Zeta, Moula, yeah, yeah. Tu es belle, mais cruelle, pourquoi, yeah, yeah. Repeat, j'ai mal entendu, ah. Inert, j'ai appris que tu m'as descendu, ah. À l'envers, tu me l'as fait, tu m'as confondu. Tu es un killer, espèce de vaincu. J'ai vécu des trucs flous, j'oublie tous ces temps-ci. Y'a pas longtemps, j'étais comme un fou. Plus la tête dans mes projets, j'me tue, oh shit. J'suis plus dehors, plus téléphone, j'cogite. M'excite, m'agite, mais n'allez pas croire que j'suis fou. J'ai pas pris un coup, j'me vide, j'sors tout, j'sors tout. J'fume un peu de la douce, quand j'arrive plus à fumer sur le shit. J'me sors, j'fais des tours, j'sonne comme un brigand. Mais j'suis toujours élégant quand j'passe, t'es posé devant ta tour. Et si j'brille encore, c'est grâce à ma team en or. On se verra, you and me. T'assumes-moi comme un homme, tu sais tout, tu fais qui. Me dis pas que tu es un vrai non, non, ami, ennemi. Au fond, je m'en fous vraiment, laissez-moi sous. Même le week-end au four, pour moi j'ai rien acquis. J'm'arrête pas, c'est hoche, j'm'arrête pas, c'est hoche. Shit, shit, shit, shit, shit, shit. J'm'arrête pas, c'est hoche, oh ouais, à la chien. Dans l'arbre qu'à la chien, à ce soir, y'en a pas rien à chier. Dis-leur que ça va chier, que ça va chier. J'fais le signe, tu flashes. Ma haine, mon fâché, fâché, j'veux pas lâcher. Tout arraché, pour ensuite mieux m'envoler. J'veux plus voler, y'a personne quand t'es mal. Pour t'épauler, faire rigoler, allez. Yo, faut pas m'inventer une vie ni partir tubes. Des gens chelous pour avoir des vues sur YouTube. Why, j'fais pas le why, why. Avec mes homies, la lune en vise, j'porte pas de couilles. Ils ont quoi m'haïr, mais pas de quoi m'trahir. Me trahir, j'suis mieux ailleurs, ah. Et si j'brille encore, c'est grâce à ma team en or. On se verra, you and me. J'assume-moi comme un homme, tu sais tout, tu fais chi. Me dis pas que tu es un vrai non, non, ami, ennemi. Au fond, j'm'en fous vraiment, laissez-moi sous. Chier, chier, chier.